Repose en paix, frère. Repose en paix. Même si mes sourires n'effaceront jamais le poids de mes larmes, frère. Bras droit en état d'armes, repose en paix. Ici, on garde le respect pour toi. Vol, envole-toi. Repose en paix, frère. Ouais, je vais pas improviser toute ma vie, j'en oublierai des choses graves. En cas de bafouille, je m'en bats les couilles, mec. Mais c'est comme ça que je me gave, grave. Alors je prends le stylo, me concentre sur le papier. Ouais. Les souvenirs me reviennent, font mal quand je dois les exprimer, je bloque. Sur un reportage dans les prisons, observe le désespoir comme un avenir sans horizon. Évidemment que ça fait mal de se mettre à la place des autres. On parle de taux de suicide, t'oses me répondre à qui la faute. Évidemment que ça fait rien de se mettre à la place d'un mort. Mais mets-toi à la place d'une famille blessée par ce triste sort. Ce triste sort. Je suis peut-être en tort de dire que la rate c'est comme la mort. Quand elle n'est pas une solution pour t'en faire ressortir plus fort. Ouais. Dans cette vie où l'on jette à la recherche d'un je t'aime. Le problème c'est quoi? C'est le manque de thunes en poche, pas trop la flemme de survivre. J'ai pas pleuré mais le cœur y est. C'est pour nos proches disparus désormais, reposer en paix. Y'a pas un moment qui passe où je ne pense pas à toi. Mon cœur bat et je me demande pourquoi j'ai trop de peine. Je sais que ton corps baigne dans un sommeil éternel, juste à cause d'une mauvaise graine. Depuis que t'es parti, ras-le-bol de ma vie, les choses ont évolué, les plus jeunes ont grandi. Flip sur l'existence des hommes au présent, combien des nôtres ont perdu la raison. Le béton reste brut comme l'or, la faune s'agite, j'évite les coins bizarres dehors. Soyons réalistes, on attend la mort des gens qu'on aime pour montrer qu'on les adore. Repose en paix, repose en paix, repose en paix. Toi qui de la vie a tiré la mauvaise carte, ici on ne cessera jamais de réclamer un maximum de respect afin que tu reposes en paix. Repose en paix, repose en paix, repose en paix. Toi qui de la vie a tiré la mauvaise carte, ici on ne cessera jamais de réclamer un maximum de respect afin que tu reposes en paix. Ton départ m'a rendu aigri, même au soleil en moi tout est gris. Depuis plus de 10 ans j'essaie de ramasser les débris. J'ai pas compris pourquoi il a choisi que tu partes avant. Ces gens habités par la méchanceté c'est pire qu'avant. Je sais pourtant que tôt ou tard on part les pieds devant. Disant souvent que tard c'est mieux et moins décevant. Sourire mais difficile, t'avais raison auparavant. Quand tu me disais que ça devenait rare, plus on était grand. Et j'espère que Dieu le Père entendra mes mots, ceux que j'ai en moi et ceux que je balance sur la démo. Depuis que je représente IPM, je suis persécuté. Alors pour m'en donner un peu, repose en paix. Trop d'étoiles dans le ciel, on la face de mes assos. Lève le voile au linceul, c'est l'odeur de la crosse. Les âmes filantes de Toulouse, boulevard Las Crosses. Les mères aux faces fanées, courir derrière l'âme de leur sale gosse. Repose en paix, un temps de silence. Si je pose le texte, c'est qu'autour de moi trop flamme dense. Chaque jour la mort se présente comme une pute aux jambes en l'air qui pèse en silence aux seins qui représentent. Trop de casse, connard, je suis pas les gangsters. Le jour où la balle se présente, faudra pas se taire. Pas sortir l'hamster du holster. Demande à Old Kerry, tiens ma vie et celle de mes frères. Repose en paix, repose en paix, repose en paix. Toi qui de la vie a tiré la mauvaise carte, ici on ne cessera jamais de réclamer un maximum de respect afin que tu reposes en paix. Repose en paix, repose en paix, repose en paix. Toi qui de la vie a tiré la mauvaise carte, ici on ne cessera jamais de réclamer un maximum de respect afin que tu reposes en paix. Repose en paix, repose en paix, repose en paix. Toi qui de la vie a tiré la mauvaise carte, ici on ne cessera jamais de réclamer un maximum de respect afin que tu reposes en paix. Repose en paix, repose en paix, repose en paix. Toi qui de la vie a tiré la mauvaise carte, ici on ne cessera jamais de réclamer un maximum de respect afin que tu reposes en paix.